Psaume 44. Machil des enfants de Corée, donné au maître chantre. Ô Dieu, nous avons ouï de nos oreilles, et nos pères nous ont raconté les exploits que tu as fait en leur jour, au jour d'autrefois. Tu as de ta main chassé les nations, et tu as planté nos pères, tu as affligé les peuples, et tu as fait provigner nos pères. Car ce n'est point par leur épée qu'ils ont conquis le pays, et ce n'a point été leur bras qui les a délivrés, mais ta droite et ton bras, et la lumière de ta face, parce que tu les affectionnais. Ô Dieu, c'est toi qui es mon roi, ordonne les délivrances de Jacob. Avec toi nous battrons nos adversaires, par ton nom nous foulerons ceux qui s'élèvent contre nous. Car je ne me confie point en mon arc, et ce ne sera pas mon épée qui me délivrera. Mais tu nous délivreras de nos adversaires, et tu rendras confus ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifierons en Dieu tout le jour, et nous célébrerons à toujours ton nom, c'est là. Mais tu nous as rejetés et rendus confus, et tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous as fait retourner en arrière de devant l'adversaire, et nos ennemis se sont enrichis de ce qu'ils ont pillé sur nous. Tu nous as livrés comme des brebis destinées à être mangées, et tu nous as dispersés entre les nations. Tu as vendu ton peuple pour rien, et tu n'as point fait hausser leur prix. Tu nous as mis en opprobre chez nos voisins, en dérision et en raillerie auprès de ceux qui habitent autour de nous. Tu nous as mis en dicton parmi les nations, et en hochement de tête parmi les peuples. Ma confusion est tout le jour devant moi, et la honte de ma face m'a tout couvert. À cause des discours de celui qui nous fait des reproches, et qui nous injurie, et à cause de l'ennemi et du vindicatif. Tout cela nous est arrivé, et cependant nous ne t'avons point oublié, et nous n'avons point faussé ton alliance. Notre cœur n'a point reculé en arrière, nos pas ne se sont point détournés de tes sentiers. Quoique tu nous aies froissés parmi les dragons, et couverts de l'ombre de la mort. Si nous eussions oublié le nom de notre Dieu, et que nous eussions étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne s'en enquérait-il point, vu que c'est lui qui connaît les secrets du cœur. Mais nous sommes tous les jours mis à mort pour l'amour de toi, et nous sommes regardés comme des brebis de la boucherie. Lève-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous rejette point à jamais. Pourquoi caches-tu ta face, et pourquoi oublies-tu notre affliction et notre oppression? Car notre âme est penchée jusqu'en la poudre, et notre ventre est attaché contre terre. Lève-toi pour nous secourir, et nous délivre pour l'amour de ta gratuité.